Chapitre 23e, le Grossium. Le lendemain, un type assez jeune, sapé comme un milord, demande à voir le commissaire Volpi. « C'est pour affaires personnelles, » répond-il quand on lui demande la raison de sa visite. Ce banc fait entrer le Brumel dans mon bureau. Je remarque l'élégance ostentatoire du gars, ses bijoux en or, ses souliers qui craquent et sa pochette discrète. Ce banc repartit dans le bureau des inspecteurs, dit à Michaud. « Celui-là, rien qu'avec ce qu'il a sur le dos, tu peux vivre un mois à l'aise. Mais il pue l'argent facile. Il a beau être parfumé, tu sens la mer d'en dessous. « Asseyez-vous, je vous en prie, » dis-je. J'ai tout de suite compris à qui j'avais affaire. « Je viens vous transmettre un message de la part de M. Ernest Rougeau. » J'allume une royale pour cacher mon émotion. Il y a de quoi être ému. « Ernesto Rougeau, » dit Ernesto le Rouge, autant à cause du sang qu'il a fait couler que de la traduction de l'espagnol « rojo », est en fait une très grosse pointure de la pègre marseillaise avec des succursales sur toute la côte. Le fait qu'il prenne la peine de dépêcher un de ses sbires prouve que l'affaire doit être importante. « Je vous écoute, » dis-je en croisant les mains. « Monsieur Rougeau désirait avoir un entretien avec vous personnellement. Il propose de vous rencontrer vers 6 heures du soir au parc Jourdan, cela seul. » Le parc Jourdan est un jardin public derrière l'hôtel du roi René. Je connais Monsieur Rougeau et je me doute bien qu'il s'agit de quelque chose d'important. Dites-lui que je serai exact au rendez-vous, mais que j'aurai des hommes à proximité, au cas où. Je suppose qu'il aura pris les mêmes dispositions. D'accord, mais pas d'engats, hein? Pas de mecs planqués dans des fourrés avec des appareils photo ou autre chose. C'est clair, commissaire? Nous sommes d'accord. Vous avez une réputation d'homme loyal. Mais je le serai. Que Monsieur Rougeau ne s'inquiète pas. Dès le nervis sorti, Michaud fait irruption dans mon bureau, tout excité. Alors Gino raconte qu'est-ce qu'il voulait, ce cacou. Figure-toi que Monsieur Ernest Rougeau lui-même désire me parler à moi personnellement, cela seul. Rougeau le Rouge? Oula, c'est du gros poisson, ça. Tu crois que ça a quelque chose à voir avec notre enquête? Ça m'étonnerait. Je crois plutôt qu'il va me balancer une info en échange d'une impasse ou sur un de ses trafics. Il est vrai que les trafics de M. Rougeau sont nombreux. C'est quelqu'un qui ne supporte pas la concurrence et pour qui la seule tractation possible est la suppression pure et simple du concurrent. Il a commencé petit, avec des filles et de la poudre à petite dose. Puis il est monté dans l'échelle de la pègre jusqu'à se consacrer uniquement à des affaires immobilières et maritimes. Vu de loin, son business est tout ce qu'il y a de plus sérieux. Ses clients ne s'en plaignent pas, mais la provenance des fonds qu'il manipule est extrêmement tortueuse. C'est le moins qu'on puisse dire. Le Marseillais à Gênes, il est honorablement connu. Où est-ce qu'il veut te voir? Je lui explique le rendez-vous. D'après moi, il n'y a rien à craindre, car le Rouge n'est pas du genre à découper du flic. Sauf cas de force majeure. Tu n'as pas peur qu'il essaye de te mouiller dans une embrouille? Un engambi? Qui est là, ça? On verra bien. Vers 6 heures donc, je m'assois sur un banc près de l'entrée du parc et allume une royale. Presque aussitôt, un homme vient s'asseoir à côté de moi. La soixantaine, bien mis, mais sans affectation, les cheveux grisonnants, on le prendrait facilement pour un cadre supérieur d'une société quelconque. Son visage basané en lames de couteau traduit ses origines andalouses. « Non, non, je vous en prie, restez assis, » me dit-il en me serrant la main. « Je voulais vous parler d'une affaire un peu embarrassante concernant un nommé Guelmard. » Et un dénommé Vernieux. Allez-y, j'écoute. Eh bien voilà. Des bruits courent comme quoi je m'intéresserais à la vie de ces deux fiottes et que j'aurais fait supprimer l'un d'eux. Vous savez bien que lorsqu'un quidam me gêne, il disparaît tout simplement de la circulation. Pas de corps, pas de meurtre, c'est ma méthode. Donc je ne suis pour rien dans le meurtre du nommé Guelmard, et vous savez bien que mes activités ne risquent pas de croiser la vie de minable pareil. Je n'en doute pas, monsieur Rougeau. Mais peut-être vous ont-ils fait du tort d'une façon ou d'une autre? Aucunement, commissaire. Ce genre de gars, j'appelle ça des mouches à viande. Ils bourdonnent au-dessus du beefsteak, sans bien sûr avoir la possibilité de prendre un morceau. Mais ils attirent d'autres insectes et finissent par vous gâter le morceau de viande. Vous comprenez qu'en pareille circonstance, le mieux est d'écraser la première mouche qui se pointe. Ces bras cassés ont le génie de vous faire merder une affaire. Ils parlent trop, manquent de professionnalisme. Bref, ils vous gâtent le métier. Ça coquine avec eux, c'est la tôle assurée. En clair, qu'est-ce que vous désirez? Je me répugne à effacer cette petite mère de Vernieux, mais il est temps que vous mettiez la main dessus. Vivant, bien entendu. Il pourra vous donner une foule d'informations qui permettront d'assainir l'atmosphère, en permettant d'écraser le plus de mouches possible. Vous me suivez? Je veillerai à ce que vous ayez toute information utile à son sujet. Et puis je crois savoir que vous êtes en compte avec eux, si j'ose dire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? L'assassinat de votre femme, de votre fils, c'est bien eux qui ont fait le coup, non? Nom de Dieu, mais comment vous savez ça, vous? Ces deux cons s'en sont vantés. Et je sais aussi que vous aviez porté plainte sans résultat lors de la mort de votre épouse. Je ne pense pas que vous ayez buté Guelmard, ce qui aurait été justice. Mais Vernieux reste encore en course. Vous saviez qu'ils avaient travaillé pendant un temps pour vos collègues des polices parallèles? Qu'ils avaient fait les barbouzes, quoi? Non, vous me l'apprenez. Mais ça ne m'étonne pas. Ils ont tout à fait le profil de l'emploi. Mais comment faites-vous pour savoir autant de choses? Mon cher, n'importe quel chef d'État vous dira que le renseignement et le pognon sont les deux leviers du pouvoir. Tant que je pourrai lutter à armes égales sur ces deux terrains, je garderai la place que j'occupe. À ma manière, je fais mon travail, je vous demande de faire le vôtre. Parfaitement, monsieur Rougeau. Et quant à ma propre sécurité, qu'avez-vous à me dire? Vous n'avez rien à craindre de moi. Vous savez que je ne m'amuse pas à ce genre de sport. Je me porte personnellement garant de votre sécurité. Si des hommes tels que vous disparaissent, que nous restera-t-il comme interlocuteur? Je vous le demande. J'esquisse un sourire en allumant une autre royale. Ah, dernière chose, monsieur le commissaire. Jusqu'ici, vous êtes spécialisé dans les affaires de meurtre et de vol organisé. C'est exact, oui. Eh bien, continuez dans cette voie, sans faire appel à vos collègues de la financière. Nous resterons bons amis, n'est-ce pas? Rochot se lève, signifiant ainsi que l'entretien est terminé. Il lève une main et une grosse Mercedes vient stopper devant le portail du parc. Voilà Stardes, seigneur Volpi. Aussitôt, Michaud fait son apparition, sorti de nulle part, tel un djinn surgissant de sa lampe. Alors, raconte. Il voulait me dire qu'il n'était pour rien dans le meurtre de Guelmard et dans la tentative de mon propre assassinat. Mais il m'a demandé aussi de faire vite pour choper Vernieux, parce qu'en l'arrêtant, on va mettre la main sur toute une bande de mange-merde qui empoisonne tout le monde, y compris lui, le rouge. J'ai l'impression que le Vernieux, il ne va pas faire de vieux os. J'espère seulement qu'il sera crevé avant d'avoir mes os à moi.